le long des murs, soumis sous un ciel de béton, subir le regard dur de l'œil blafard des néons. Je tombe dans un puits sans fond, du haut d'une tour sans y voir, je gravis des montagnes sans nom. Éternel témoin d'un faux départ, mes vrais retours vers la salle des pas perdus, attendant vainement mon tour. À moi que ça ne soit déjà foutu. Wow. Hey, hey. Wow. Hey, hey. Faire glisser des pas de soie sur les envies femmes, des enchantés, sourire même quand tout se noie, dans une rivière de larmes séchées, je vois la vie en vigueur, la langue de la cicatrice des heures, attendant peut-être la mienne, si toutefois elle n'est pas trop loin. Peut-être la mienne, si toutefois elle n'est pas.